الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، في الجمعة الماضية تحدثنا عن سرية عظيمة من أعظم السرايا، ألا وهي سراية مؤتة. La semaine passée, nous avons parlé d'une des plus grandes batailles qui a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une armée que le prophète alayhi salat wa sallam envoyait vers Hisham. Et cela a eu lieu en l'an 8 dans le mois de Jumada. Et la cause de Ghazwatul Mu'ta, de Sariyatul Mu'ta, fut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un écrit à Malik Busra en envoyant le Harith ibn Umayr. Mais en chemin, Shurahbil ibn Amr al-Ghassani l'assassina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé cette armée dans le mois de Jumad al-Oula de l'an 8 de l'Hégire sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu également que le nombre de l'armée du prophète alayhi salat wa sallam était composé de 3000 hommes. وأمر عليهم زيد بن الحارثة زيد بن أو زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وقتل هؤلاء الثلاثة الأخيار الأبطال رضي الله عنهم فأخذ الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه وفتح الله سبحانه وتعالى بسببه على المسلمين. Donc nous avions vu que le prophète عليه الصلاة والسلام avait mis à la tête de cette grande armée Zayd ibn Haritha et a dit: si il décède, ça sera Ja'far qui prendra la tête de l'armée. S'il décède, ça sera Abdullah ibn Rawaha qui prendra la tête de l'armée. On a vu que ces trois-là sont décédés durant le combat, radiallahu anhum. C'est alors que Khalid ibn al-Walid, radiallahu an, suite à l'entente des compagnons, a pris la tête de cette armée et il a pu préserver les croyants et revenir à Medina sans avoir subi un lourd tribut, radiallahu anhu. Et c'est là qu'il a été surnommé Saifun min Suufillah, une épée parmi les épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici le résumé du cours de la semaine passée. Et on avait aussi mentionné pour finir que les historiens ont divergé quant à la finalité de cette bataille. Qui l'a emporté? Naam, qui l'a emporté? Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appelé Madha Sula Fathan, une ouverture, lorsque Khalid ibn Walid radiallahu an a pris la tête de l'armée. C'est donc, quoi qu'il en soit, Naam, une victoire pour les croyants devant ce grand nombre. Également, ils ont pu revenir à Al-Madina sans pour autant que les Romains aient été vaincus. Mais ça a été l'introduction et les prémices de l'ouverture de Sham qui a eu lieu au temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Parmi les choses qui montrent que les croyants n'ont pas été vaincus durant cette bataille, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de asra, il n'y a pas eu de prisonniers. Naam. Également, ils avaient une habitude, lorsqu'ils gagnaient la bataille, ils restaient 3 jours à cet endroit, sur cette place. Naam. Et ils n'ont pas fait cela. Quoi qu'il en soit, ce fut une grande bataille à travers laquelle Allah Azza wa Jalla a élevé les croyants et leur renommée. Mais à leur retour, comme nous l'avions cité, Allah subhanahu wa ta'ala informa le prophète alayhi salatu wa salam de ce qui s'est passé. Il est monté sur le minbar et il a raconté cela. Puis, lorsque eux-mêmes sont revenus, le premier a raconté cela au prophète alayhi salatu wa salam et ça concordait parfaitement avec ce qu'il avait annoncé sur le minbar aux croyants. Et sans aucun doute, ce fut une terrible annonce pour le prophète alayhi salatu wa salam de savoir que parmi ses plus grands compagnons et ses bien-aimés, des gens très proches de lui, à l'image de Ja'far ibn Abi Talib, son cousin, ou bien Zayd ibn Haritha, son très proche qui était son affranchi, na'am, et Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhum. Fahazina alim huznan shadida. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc été très attristé du décès de ces 3 généraux. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a été informé que les épouses de Ja'far pleuraient. Il a été informé que les épouses de Ja'far ibn Abi Talib étaient en larmes. Alors, il leur a ordonné de ne pas pleurer. Et dans une autre version, il leur a donné 3 jours. Il leur a donné 3 jours, puis il leur est venu et leur a dit « La tabku ala akhi ba'da al-yawm ». Il leur a dit ne pleurez plus mon frère après ce jour-ci. Donc il leur a permis durant 3 jours. Dans un autre hadith qui est rapporté par le fils de Ja'far lui-même, Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a dit à l'épouse de Ja'far, Asma bint Umays, Ud'ouli abna akhi, yani réunis-moi les enfants de mon frère, c'est-à-dire les enfants de Ja'far. Les enfants de Ja'far. Alors, elle les a réunis. Et il nous est dit, Ka'annahum afrar. C'est comme si c'était des petits poussins. Na'am, c'est comme si c'était des petits poussins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc regardés, remplis de compassion. Et il a dit, appelez le coiffeur afin qu'il leur rase la tête. Appelez le coiffeur afin qu'il leur rase la tête. Puis il a regardé ses enfants. Un de ses fils s'appelle Mohammed, un autre s'appelle Abdullah, parmi les enfants de Ja'far ibn Abi Talib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amma Mohammed fa shabihun bi ammihi. Puis il les a regardés, il a dit, quant à Mohammed, ce dernier ressemble à son oncle. Naam, ce dernier ressemble à notre oncle plutôt. Qui est l'oncle en question ici? Abu Talib. Naam, Abu Talib, le prophète alayhi salatu wa salam montre son petit cousin, Muhammad ibn Ja'far, et il dit, Amma Muhammad fashabihun li ammina. Il dit, quant à Muhammad, il ressemble à notre oncle. Naam, à notre oncle, c'est-à-dire Abu Talib. Wa amma Abdullah. فَشَبِيهٌ لِي فِي خَلْقِ وَخُلُقِ. Quant à Abdullah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quant à Abdullah, lui, il me ressemble à moi, dans mon apparence et dans mon comportement. Est-ce que cette phrase ne nous rappelle pas une phrase déjà prononcée? À qui est-ce qu'il a dit ça, le prophète alayhi salatu wassalam, et dans quelles circonstances? Naam. Il a dit cela à Ja'far. Donc Abdullah, il ressemble à qui? Il ressemble à son père Ja'far. Naam. Et il lui a dit, il a dit de Abdullah, فَشَبِيهٌ مَاذَا بِخَلْقِ وَخُلُقِ. Quant à Abdullah, il me ressemble à moi, dans mon apparence et dans mon comportement. Et ça, c'est une thèse qui est azima, qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam à Abdullah, le fils de Ja'far ibn Abi Talib. Et cette parole-là, il l'avait déjà prononcée à Ja'far ibn Abi Talib lui-même. Dans quelles circonstances on avait dit? À Umratul Qadha, na'am, lorsqu'ils ont fait la Umra sur laquelle ils se sont entendus. Au retour, la fille de Hamza, Umara, a voulu yani appeler le prophète alayhi salatu wassalam, ya'am, ya'am, prends-moi avec toi. Et là, Zayd, Ja'far et Madha, et qui? Et Ali se sont disputés la petite. Na'am, qui allait être son responsable, qui allait s'en occuper. Et le prophète alayhi salatu wassalam a jugé que l'épouse de Ja'far allait s'en occuper, car c'était sa khala, c'était sa tante maternelle. Il a dit al-khala bimanzilatil umm, la tante, la sœur de la mère à la place de la mère. Puis il a dit à chacun une belle parole, et la parole qu'il a dit à Ja'far, il lui a dit fa anta shabihun bi khalqi wa khuluqi aw ashbahta khalqi wa khuluqi, toi Ja'far, tu me ressembles dans mon apparence et dans mon intérieur. Allahu akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit cela, il a pris la main de Abdullah. Na'am, il a pris la main de Abdullah, le fils de Ja'far. Il l'a levé et il a fait dua pour lui. Il l'a levé et il a fait dua pour lui en disant Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safqati yamini. Il a fait dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah de faire en sorte que Ja'far ait un successeur dans sa famille. Il a demandé des choses particulières pour Abdullah, le fils de Ja'far, et il a invoqué à 3 reprises pour cela. Puis Asma, leur mère, a mentionné au prophète alayhi salatu wassalam, yutma awladiha. Il a mentionné au prophète alayhi salatu wassalam, dans ces circonstances-là, elle lui a rappelé que ses enfants sont désormais des orphelins. Na'am, ses enfants sont désormais des orphelins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si elle disait, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Na'am, comment est-ce qu'on va faire maintenant? La situation ne sera que plus difficile, car leur père n'est plus là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit al-aylata takhafin, al-aylata takhafin alayhim, est-ce que tu as peur pour eux de la pauvreté, du fait qu'ils ne vont plus avoir ce qui leur suffit? Wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah, alors que c'est moi qui suis leur allié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Na'am. Et là ici tu vois la compassion du prophète alayhi salatu wassalam et la rahma qu'il avait pour les orphelins et pour les gens dans le besoin. Et avec ces quelques paroles, il a apaisé l'épouse de Ja'far radiallahu anha. Ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est comme cela qu'il convient d'être envers les gens qui sont dans l'épreuve, la difficulté, que ce soit des orphelins, que ce soit des femmes veuves ou autres, et yani de dire al-kalimut tayyib, yani de bonnes paroles, et d'aider ces personnes avec ce qui nous est possible comme dua et comme moyens financiers et autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été décrit ainsi par Allah dans le Coran lorsqu'il nous dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Vous êtes certes venu un messager issu des vôtres. Vous êtes venu un messager issu des vôtres, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici de vous, Quraysh. Azizun alim anittum. Yani, les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Na'am, c'est lourd pour le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il vous voit, vous, dans la difficulté. Harisun alaykum, il est motivé, déterminé quant à votre guidée et que le bien vous touche. Bil mu'minin, et il est envers les croyants, raoufun rahim. Plein de compassion et de miséricorde. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a décrit le prophète alayhi salatu wassalam. Walau kunta faddan ghalidan. Et aussi Allah Azza wa Jalla nous dit yani que s'il avait été rude au cœur dur, il se serait éloigné de lui. C'est-à-dire qu'il était le contraire. Il était le contraire, c'est celui qui nous a appris Ar-rifqu ma kana fi shay'in illa zana. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Wa ma nuzi'a min shay'in la shana. Et on ne l'enlève pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. C'est comme cela qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a annoncé une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle à ceux qui prennent soin des orphelins et des veuves et qui les aident selon leur capacité. Lorsqu'il a dit alayhi salatu wassalam, Ana wa kafilul yatim kahatayn fil jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin seront comme ses deux doigts au paradis. Comme ses deux doigts au paradis. Et il a montré entre son, il a joint entre son index et son majeur. Et il nous dit, ماذا également, الساعي إلى الأرملة. Naam. Il nous parle aussi de celui qui s'occupe de la veuve, que lui aussi fait partie des gens du paradis. Donc ça, c'est des causes très grandes pour l'entrée fil Jannah. Le fait d'aider les faibles, le fait d'aider les gens dans le besoin, l'avoir de la pitié, de la compassion envers eux. C'est comme cela qu'était le prophète alayhi salatu wassalam envers les membres de sa communauté de manière générale et plus particulièrement envers les veuves et les orphelins sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ce qui concerne la famille de Ja'far radiallahu anhu. Cette compassion et cette miséricorde, on la trouve également dans des hadiths concernant la famille de Zayd, son bien-aimé. Ibn Haritha radiallahu an. Kana idha ra'a Usama ibn Zayd baka sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement triste de se séparer de Zayd que lorsqu'il voyait son fils Usama, il pleurait. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam voyait Usama radiallahu an, il pleurait. Comme cela est rapporté dans Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba radiallahu rahimahullah. Et un jour il a vu Usama qui avançait. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a regardé et il s'est mis à pleurer. Naam. Le lendemain il l'a recroisé, il l'a vu. Et il a dit à Usama, yani, est-ce que tu veux me faire la même chose que tu m'as fait hier? Et il a pleuré. Naam. C'est-à-dire que lorsqu'il croisait Usama, il se rappelait Zayd, radiallahu anhu. Naam, il se rappelait la perte de Zayd. Il se rappelait aussi l'état de Usama, wa akada, et il pleurait. Le premier jour, il l'a rencontré, il s'est mis à pleurer. Le second jour, il lui a dit, yani, j'ai reçu de ta part ce que j'ai reçu hier. C'est-à-dire que lorsque j'étais vu hier, je n'ai pas pu me retenir, et voici à nouveau que je te rencontre et que ça me fait la même chose, c'est-à-dire pleurer. Aussi, le prophète alayhi salat wa salam nous a montré le comportement qu'il convient d'avoir lorsqu'il y a la perte d'un proche dans une famille. Il a dit, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Naam, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, préparez un repas pour la famille de Ja'far. Faqad atahum ma yushriluhum. Car ils ont été touchés par ceux qui les occupent. Ainsi, lorsqu'il y a un décès dans une famille, naam, lorsqu'il y a un décès dans une famille, si on rencontre ces gens-là, on leur présente nos condoléances et on fait dua, naam, en faveur du défunt s'il est musulman, naam, s'il est musulman, et on fait dua pour les proches, pour l'endurance et autres, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais une chose qu'il est bien de faire, c'est de préparer à manger et de remplir, yani, leurs besoins, car ils sont dans l'épreuve, ils ne vont pas penser eux-mêmes à préparer à manger. Contrairement à ce que tu vois dans les coutumes de nos jours, et ce qui est fait dans beaucoup de familles, c'est que c'est la famille du défunt elle-même qui cuisine. Et les gens de toute contrée voyagent et ils se réunissent et ils pleurent le mort ou bien ils font les éloges du mort ou autre. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit cela. Et il a dit que ça rentrait dans les lamentations. Ça rentrait dans les lamentations. Naam. Le fait de prendre un endroit, de se réunir pour le décès. Naam. Et de mentionner ces choses-là. Le prophète sallam a dit de ne pas faire ça. Par contre, si toi tu vas visiter pour présenter les condoléances, ça il n'y a pas de mal, pour aider, pour remonter le moral, pour appeler Allah, pour faire dua, il n'y a pas de mal. Par contre, ce que font les gens, ils se réunissent, et c'est la famille du défunt, du mort, c'est elle qui subit, c'est elle qui prépare à manger. Il y a même des gens qui empruntent. Naam. Il y a même des gens qui s'endettent. Pourquoi? Parce que les gens viennent de toutes parts. Il n'y a plus de place dans l'appartement. Alors ils prennent également l'appartement des voisins. Et c'est la famille du défunt elle-même qui s'endette et qui cuisine et qui paye des femmes pour cuisiner. Non. Et tous ces gens-là se rassemblent. Et ça, ça rentre dans les lamentations que le prophète alayhi salat wa salam a interdit. Le prophète alayhi salat wa salam a dit de ne pas faire cela. Par contre, c'est à nous, lorsqu'il y a un décès dans une famille, d'aller les aider. Comme on le peut, on demande s'ils ont des dettes. Si le défunt a des dettes, on paye les dettes. Si le défunt avait, yani il devait des choses, si le défunt aussi a des droits sur autrui, on récupère ces droits-là. On essaye d'aider, naam, la famille du mort. Ça, c'est un noble caractère. Par contre, le fait de venir les alourdir et de rester chez eux de longues heures, naam, tout cela est proscrit. Et le prophète alayhi salat wa salam a menacé celle qui pleure le mort, ou bien lorsque le mort lui-même de son vivant a fait des recommandations. À l'époque, on payait des femmes qui venaient pleurer. À l'époque, on payait des femmes qui venaient pleurer. Et plus on pleurait pour le mort, plus ça montrait sa valeur. Plus ça montrait sa valeur. Naam, c'est pour ça qu'il y a une expression qui dit « Celle qui a été payée pour pleurer et celle qui pleure de elle-même, elles ne sont pas pareilles. » Naam, cette expression, elle vient, et Annie, elle nous fait comprendre ce point-là. Tout ça pour dire que lors du décès, il faut s'instruire en islam et savoir ce qu'il est légiféré de dire et de faire, et savoir ce qu'il n'est pas légiféré de dire et de faire. Et ce hadith-là est rapporté par l'imam Ahmed, c'est-à-dire de préparer à manger pour la famille de Ja'far, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est Hassan, il est bon. Voici pour Razwatu Mu'ta. Passons maintenant aux choses qui se sont passées entre Razwatu Mu'ta et Fathu Mekka, car nous sommes aux portes de l'ouverture de la Mecque. Pour ceux qui ont suivi les cours de Sira du début, ils se rappellent que le prophète alayhi salat wa salam est né à Amul Fil. Et ils se rappellent qu'il a reçu pour la première fois la révélation à 40 ans. Et que son peuple était plongé dans la jahiliya. Ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils étaient dans l'injustice et autres. Puis, lorsqu'il a reçu Ya Ayyuha al-Muddathir, il a prêché à son peuple. Et ils l'ont combattu. Et ils l'ont dénigré. Ils ont rejeté son message. Naam. Et ils ont comploté contre lui. Ils ont assassiné certains de ses compagnons. Au point où ils ont dû faire la petite Hégira al-Habasha une première fois. Puis la petite Hégira al-Habasha une seconde fois. Puis il y a eu l'ouverture de Khaybar et ils sont rentrés. Vous vous souvenez? Par la suite, il y a eu le sulh de l'Hudaybiyya qui a duré, comme on le verra dans yani à la fin du cours, il a duré 1 an et demi. Le pacte a duré 18 mois environ. Et là, on arrive à on est proche de l'ouverture de la Mecque. Mais avant ça, il y a eu certains événements et certaines délégation envoyée par le prophète alayhi salat wa salam avant l'ouverture de la Mecque. Premièrement, Sariyatu Dhati Salasil. Sariyatu Dhati Salasil. Elle a eu lieu peu de temps après la bataille de Mu'ta. Elle a eu lieu peu de temps après la bataille de Mu'ta. Fi Jumada Thaniya. Dans le mois de Jumada Thaniya. On est en quelle année là, à ce moment-là? En l'an 8. On est toujours en l'an 8. Naam. Donc, peu de temps après, Razwatu Mu'ta, fi Jumada Thaniya, dans le mois de Jumada Thaniya, de l'an 8 après l'Hijra. Quelle est la cause de cette délégation envoyée par le prophète alayhi salat wa salam? C'est que le prophète alayhi salat wa salam a été informé que la tribu de Qudaa se réunissaient pour venir proche de Médine et au final attaquer le prophète alayhi salat wa salam. Donc il y a une tribu avec ses associés qui complotaient pour venir à Médine attaquer le prophète alayhi salat wa salam. C'est la tribu de Qudaa. La tribu de Qudaa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa salam a appelé Amr ibn al-As. Il a appelé Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, vu qu'on est Jumada Thaniya, Ça veut dire que ça faisait 4 mois qu'il est entré en islam. On avait raconté son entrée en islam, n'est-ce pas? On a raconté l'histoire d'Amr ibn As lorsqu'il s'est converti, il me semble. Ou non? Non. Et Anil est venu voir le prophète sallam et il s'est converti proche de cela avec Khalid ibn Walid. Et lorsqu'il a voulu lui prêter allégeance, Naam, Khalid ibn Walid lui a prononcé Shahada, il s'est converti. Quant à Amr ibn al-As, radiallahu an, il a comme hésité et il a retiré sa main. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: que t'arrive-t-il? Il lui a dit: aradtu an ashtarita alayk. Il a dit: j'ai envie d'émettre une condition. Il lui a dit: laquelle? Il lui a dit: qu'on me pardonne mes péchés passés. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ama alimta ya Amr, n'as-tu pas su, ô Amr, an al-islam yajubbu ma qabla, que l'islam efface tout ce qui est passé avant, wa an al-hijrata tajubbu ma qablaha, et que l'hijr efface tout ce qui est passé avant. Alors le Amr ibn al-As s'est converti à l'islam. Alors Amr ibn al-As radiallahu an s'est converti à l'islam. Hakadha barakallahu fikum. Ala kulli hal, il s'était converti durant le mois de Safar. Il s'était converti durant le mois de Safar de la même année. Donc, quatre mois après, le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé. Il l'a appelé, il lui a dit: prépare-toi, je vais t'envoyer. Donc, Amr ibn al-As est parti, il s'est préparé. Sans savoir où le prophète alayhi salatu wassalam allait l'envoyer. Puis, il l'a informé de l'histoire et il l'a envoyé à la tête de Mada. À la tête d'une armée dans laquelle il y avait Abu Bakr, dans laquelle il y avait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wa hadha amrun azim. Naam, et ça c'est une grande chose qui a même laissé les compagnons s'interroger et méditer cela. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam met à la tête de cette armée Amr ibn al-As alors que Abu Bakr est vivant, alors que Omar est vivant? Mais on verra par la suite la sagesse de cela, incha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec Amr ibn al-As 300 hommes. Il a envoyé avec Amr ibn al-As 300 hommes. Naam. Quant à l'endroit, c'est Wara'a Wadi al-Qura. Wara'a Wadi al-Qura. Donc Amr ibn al-As, qui s'était converti au mois de Safar de l'an 8 de l'Hégire, a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants se sont donc interrogés sur le choix du prophète alayhi salatu wassalam de Amr ibn al-As radiallahu an, qui était yani, pas ancien, qui n'était pas ancien comparé à ceux qui étaient avec lui, qui ont été envoyés pareillement avec lui. La première sagesse est que Amr ibn al-As était khabirun bil harb. Il était fin connaisseur de la guerre. Naam, c'était l'émissaire et l'ambassadeur de Quraysh radiallahu an. Il avait participé aux différentes guerres. Il était connu pour cela. La deuxième sagesse est qu'il était de Bali. Naam, il était de Bali. Au passage, Amr ibn al-As appelait les différentes tribus à s'associer à lui dans sa mission. Et comme il allait passer par cet endroit, donc les proches du côté de sa mère, les gens de sa tribu, si je me souviens bien, du côté de sa mère, alors c'était judicieux que lui soit à la tête de l'armée, comme ça eux allaient le rejoindre, parce que ce sont des proches à lui. Également, yata'alufuhum. Naam, il les tire à l'islam, ainsi ceux qui ne le sont pas encore. Donc le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé, comme c'est venu dans le recueil de l'imam Ahmed. Et il lui a dit de se préparer. Puis il lui a dit, Inni urid an ab'athaka ila jaysh, ou ala jaysh, fa yusallimaka Allah, wa yughnimak, wa arghabu laka min al-mali raghbatan saliha. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, prépare-toi, car je vais t'envoyer à la tête de l'armée. Naam, je vais t'envoyer à la tête de l'armée. Puis il lui a annoncé qu'il voulait qu'Allah Azza wa Jal lui accorde le bien et qu'il lui accorde du butin et des richesses. Et il lui a annoncé qu'il aimait pour lui de l'argent, il y a un illicite, des biens illicites. Alors Amr ibn al-As s'est étonné et il lui a dit, « Ya Rasulallah, ma aslamtu min ajli al-mal. » Il lui a dit au messager d'Allah, « Je ne me suis pas converti pour l'argent. » Walakin aslamtu raghbatan fil islam, mais je me suis moi converti par amour pour l'islam, par désir de l'islam. Wa an akuna ma'a rasulillah, et pour être avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala ya Amr, ni'ma al-mal, ou bien ni'ma al-mal as-salih lir-rajul as-salih. Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, quelle bonne chose ô Amr, que l'argent licite pour l'homme pieux, qu'est l'argent licite pour l'homme pieux. Et ça, ça nous enseigne dans la recherche de la subsistance que l'islam ne blâme pas la richesse. L'islam ne blâme pas la richesse, mais l'islam blâme celui qui fait de la dunya son but premier. Deuxièmement, l'islam blâme celui qui transgresse les limites d'Allah pour obtenir cette subsistance, pour obtenir cette subsistance. Quant à l'argent licite et acquis de manière licite, na'am, quelle que soit son yani, sa mesure, ceci n'est pas un mal pour la personne tant qu'elle se voit besogneuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut raconté ou il fut rapporté que Amr ibn al-As avec son armée, durant la nuit ils avançaient et durant le jour ils se cachaient, afin de surprendre l'ennemi. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la terre de Juzam, et que Amr ibn al-As fut informé de leur grand nombre, yani du grand nombre de l'ennemi, il envoya al-Madina Rafi', il envoya à Médina, al-Madina, un compagnon qui se nomme Rafi' ibn Makith ou Mukayth al-Juhani. Il l'envoyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il lui envoie des renforts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ajouté 200 hommes. Ainsi, ils étaient combien? Ils étaient 500. À la base, ils étaient 300. Et ici, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a ajouté 200 hommes. Parmi ces hommes, il y avait Abu Ubaïda, un des meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Aminu hadhi l'ummah, le garant, yani l'homme de confiance du prophète alayhi salatu wassalam de la communauté. Abu Ubaïda, quel est son prénom? Amir ibn al-Jarrah, naam, radiallahu anhu. Il est décédé dans quelle période? Et après quel événement immense dans l'islam? Allahu Akbar. Abu Ubaïda, c'est un grand homme. Il nous faut savoir qui il est. Radiallahu anhu. Il est décédé durant le califat de Omar. Naam. Et c'est lui qui était à la tête d'une des plus grandes armées de l'islam. Naam, ils ont ouvert des frontières yani inimaginables dans la tête de Quraysh. Mais ceux qui avaient l'iman ont cru en la promesse du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a informé qu'Allah azza wa jal va lui ouvrir Al-Sham, il va lui ouvrir Al-Rum, il va lui ouvrir Sana'a, il va lui ouvrir. Naam. Barakallahu fikum. Et Abu Ubaïda était à la tête d'une de ses armées. Et plus tard, il est décédé. Radiallahu anhu. Et c'est un des rares, ils rapportent qu'il était très modeste, très humble, et c'est un zahid, quelqu'un qui se détournait de la dunya. C'est-à-dire, même lorsqu'Allah Azza wa Jalla a enrichi le sahaba, Abu Ubaïda, lui, est resté dans ses habitudes. Il est resté, lui, dans ses habitudes. Et les compagnons l'aimaient énormément, de par l'amour du prophète sallam pour lui, aussi de par ses qualités. Et Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il lui a accordé une grande place parmi les sahaba. Il fait partie des 10 qui ont été promus au paradis dans le même hadith. Naam, les 10 qui ont été promus au paradis dans le même hadith, radiallahu anhu. Donc ces 200 hommes ont été envoyés avec Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, radiallahu anhu. Avec eux, ou avec lui, naam, tout à l'heure j'ai dit Abu Bakr et Omar, c'est à ce moment-là que Abu Bakr et Omar sont venus. Naam, c'est pas au début lorsque Amr ibn al-As est sorti de Médina avec les 300 hommes. Naam, mais c'est à ce moment-là lorsque le prophète alayhi salatu wassalam envoya les renforts, et avec eux Abu Ubaïda, il y avait avec Abu Ubaïda Abu Bakr, et il y avait avec eux Omar ibn al-Khattab. Abu Ubaïda, c'est un des anciens, c'est une des têtes chez Sahaba. Le prophète sallam l'envoie avec du renfort, avec lui Abu Bakr et Omar. Mais c'est qui l'émir de toute l'armée? C'est qui? C'est Amr ibn al-As. Alors le prophète alayhi sallam, il dit à Abu Ubaïda, entendez-vous? Naam, tatawa'a. Naam. Il lui dit, entendez-vous, ne divergez pas. Il se peut que lorsque le grand arrive et que le commandement est dans la main d'une personne qui a un niveau moins élevé, que celui qui a un niveau moindre juge noble une action, mais que l'ancien ne la juge pas noble. Que peut-il se passer? Il peut se passer que telle et telle personne se mette de son côté et telle autre personne de l'autre côté. Alors ça ramène des dissensions dans les liens, dans les rangs des croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ceux qui allaient pallier à cette éventualité, il leur a dit surtout entendez-vous. Il n'y a aucune cause de divergence. Abu Ubaïda, Abu Bakr, Omar radiallahu anhum et les autres compagnons sont arrivés et il fut dit que Abu Ubaïda avait un étendard et que Amr avait un autre étendard. Amr ibn al-As a fait des choses que certains parmi les sahaba n'ont pas trouvé judicieux. La première, c'est que déjà Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a vu Amr ibn al-As à la tête de l'armée, il a dit comment lui il a la tête de l'armée. Alors Abu Bakr lui a dit doucement, oh Omar, sache que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas mis à la tête de l'armée parce qu'il est meilleur que certains, mais parce qu'il est fin connaisseur de la guerre. Alors Omar ibn al-Khattab s'est calmé. Naam, alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est calmé. Amr ibn al-As a fait donc certaines choses qui ont été étranges pour Sahab. La première, il a dit personne allume le feu. Personne allume un feu. Et c'était connu, naam, que le soir, avec la fraîcheur, et pour se voir, et pour ceci et cela, on allume un feu. Naam, on allume un feu, comme toute personne qui se déplace et qui campe à un endroit. Alors certains parmi les sahaba se sont dit les uns les autres, pourquoi est-ce qu'il nous empêche d'allumer le feu? Puis Abu Bakr radiallahu anhu est parti le voir et lui a dit, Amr, naam, pourquoi est-ce que tu empêches d'allumer le feu? Amr ibn al-As a dit, Wallah, il y en a un qui allume le feu, je le jette dedans. Naam, il a dit, Wallah, il y en a un qui allume le feu, qui allume un feu, je le jette dedans. Tayyib. Donc, personne n'a allumé de feu. Par la suite, ils ont rencontré l'ennemi et ils ont battu l'ennemi. Et Allah Azza wa Jal leur a donné le dessus. Et lorsqu'ils ont voulu les suivre, là une seconde chose étonnante aux yeux des sahaba, c'est qu'ils ont voulu les poursuivre, naam, pour en finir avec eux. Mais Amr ibn al-As leur a ordonné de ne pas les suivre et de rester là. Et eux, ils ont voulu quand même, mais il leur a interdit. Et vu que c'est, il est envoyé par le prophète, alayhi salat wa salam, en tant que chef de l'armée, ils lui doivent obéissance. Ils lui doivent obéissance. Alors ils ne les ont pas suivis. Lorsqu'ils sont revenus, certains sont partis se plaindre de Amr au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Kayfa wajadtum Amra ?» Comment vous avez trouvé Amr? Et c'est là qu'ils lui ont dit yani, certaines choses. Il y a trois choses étonnantes. La première, il leur a interdit d'allumer le feu. La deuxième, après avoir pris le dessus sur l'ennemi, il leur a interdit de les suivre. La dernière, j'ai oublié de la mentionner, c'est que durant une nuit, il a dormi et au matin, il s'est réveillé en état de janaba. Et c'était une nuit où il a fait extrêmement froid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en état de janaba. Lorsqu'on est en état de janaba, qu'est-ce qu'on doit faire? Al-rusl, on doit se laver, passer de l'eau de la tête aux pieds avec l'intention d'enlever al-hadath, n'est-ce pas? C'est le minimum obligatoire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tayammum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tayammum. Puis il a fait l'imam. Non? Puis il a fait l'imam. Et il fut dit que certains ont voulu faire l'imam à sa place, Naam, parmi les grands compagnons, et que lui a refusé. Naam, mais comme le prophète avait dit à Abu Ubaïda, ne diverge pas avec lui, il s'est rappelé cet ordre et il l'a laissé faire l'imam. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, il a prié, il a fait l'imam alors qu'il est en état de janaba après avoir fait at-tayammum. Radiallahu an. Lorsqu'ils sont rentrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Amr sur le fait qu'il est interdit aux compagnons d'allumer du feu. Alors Amr ibn al-As radiallahu an a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai détesté que les compagnons allument le feu et que l'ennemi à travers cela voit notre petit nombre. Voici pourquoi je leur ai interdit d'allumer le feu. Lorsque le prophète sallam a entendu cela, il s'est réjoui. Il a donné raison à Amr radiallahu an. Puis, sur la deuxième chose, il l'a questionné. Il lui a dit, je n'ai pas voulu qu'ils les suivent de peur que leur vienne al-madad, yani le renfort, na'am, et qu'ils voient notre nombre. Alors le prophète sallam, pareillement, a yani jugé bonne la vision de Amr radiallahu an. Et la troisième chose, il lui a dit yani, tu as fait l'imam et tu as prié alors que tu es en état de janaba, pourquoi? Tu as fait tayammum yani alors qu'il y avait de l'eau. Il lui a dit: ya Rasulallah, dhakartu qawla Allah azza wa jal wa la taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Il lui a dit: je me suis rappelé la parole d'Allah et ne vous tuez pas vous-même, certes Allah est envers vous très miséricordieux. Fadhahika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prophète a ri. Naam, devant les chiens de Amr ibn al-As, il a ri et il lui a dit que c'était une bonne chose qu'il avait entrepris. C'est-à-dire que il a aussi dit: et si je m'étais lavé, je serais mort. Naam. Donc il a craint pour lui le froid. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé l'eau, mais il a fait tayammum. Dans certaines versions, on nous mentionne qu'il a fait al-wudu. Dans certaines versions, on nous mentionne qu'il a fait al-wudu. Et dans différents textes, on nous montre que c'était une nuit glaciale. Que c'était une nuit glaciale à un point tel qu'ils ont dit: nous n'avons jamais vu une nuit aussi froide que celle-ci. Nous n'avons jamais vu une nuit aussi froide que celle-ci. Et on trouve cette histoire dans le recueil d'Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala et dans Sunan Abi Daoud. Et le Hafid Ibn Hajar nous dit que l'isnad est qawi. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt lorsque Amr ibn al-As a vu la bonté du prophète alayhi salatu wassalam, et le comportement du prophète alayhi salat wa salam, il lui a dit: Ya Rasulallah, man ahabbun nas ilayk. Il lui a dit: Ya Rasulallah, c'est qui que tu aimes le plus? Pourquoi est-ce que Amr ibn al-As a questionné le prophète alayhi salat wa salam sur ça? Yani dans une autre version, on nous mentionne qu'il a ajouté, yani le prophète lui a dit: Limadha? Il lui a dit: pourquoi tu me demandes ça? Il lui a dit: Uhibba man tuhib. Il lui a dit: pour aimer ce que tu aimes. Pour aimer les gens que tu aimes, Ya Rasulallah. Alors le prophète sallam lui a dit: Aisha. Il lui a dit: minar rijal, parmi les hommes. Et il lui a dit: Abouha, son père. Il lui a dit: thumma man. Il lui a dit après. Il lui a dit Abu Bakr. Il lui a dit après. Il a dit Omar. Il lui a dit après Omar. Fasamma rijalan. Et il a cité d'autres parmi les hommes. C'est comme si Amr ibn al-As, radiallahu anhu, devant le comportement du prophète alayhi salam envers lui, devant sa bonté envers lui, et aussi rappelez-vous qu'il l'a mis à la tête d'une armée, alors que ça faisait 4 mois qu'il est en islam, alors qu'il a envoyé les renforts et avec eux, yani Abu Ubaïda, et avant ça Omar, et avant ça Abu Bakr, les meilleurs de la communauté, et malgré ça il le met lui, radiallahu anhu, alors c'est comme s'il s'est dit: personne n'est plus aimé chez le prophète salam que moi, regardez le comportement qu'il a envers moi. Mais c'est ainsi qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, envers ses compagnons. Il avait un comportement tel que celui qui le fréquentait pensait qu'il était le plus aimé auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, devant l'excellence de son comportement et de l'attention qu'il portait à celui auquel il s'adressait ou celui qui s'adressait à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Aïcha. Naam, il lui a dit Aïcha. De cela on voit la permission de la mention du prénom de l'épouse en cas de nécessité. Naam, la permission du mention du prénom de l'épouse lorsqu'il y a une sagesse. Naam, et que ça n'est pas une chose interdite. Si ce n'est que les Arabes, naam, étaient et sont des gens qui sont rayour ala maharimihim wa hadhi fadilatun azimatun. Naam, si ce n'est que les Arabes sont des gens qui sont jaloux pour les femmes de leur et année de leur famille pour leurs proches. Et ça, c'est une noblesse qui est reconnue de toute époque, c'est-à-dire même avant l'islam. Donc, il ne mentionne pas plus que ce qu'il ne faut pour savoir à qui on fait référence parmi les femmes de leur famille. C'est pour cela qu'on trouve dans plusieurs textes « Al-Ahl ». On trouve qu'il disait la famille au lieu de dire, par exemple, « Zawjati ». Tu ne trouves pas, yani, souvent ce terme « Zawjati », mon épouse. Mais tu vas trouver Al-Ahl, tu vas trouver la famille, en faisant référence à l'épouse. Naam. Non pas que ce soit honteux de mentionner l'épouse, comme l'ont compris certaines personnes qui n'ont pas étudié l'islam, ou bien qui essayent de dénigrer l'islam, ou la place de la femme en islam, alors que personne n'a donné vie à la femme comme l'islam lui a donné vie. Elle était auparavant enterrée vivante, elle était auparavant considérée comme le bétail, et on héritait de la femme. Et on divergeait sur la femme, est-ce qu'elle a une raison, ou elle n'a pas la raison comme les animaux. L'islam est venu enterrer tout cela et donner des droits à la fille, donner des droits à la sœur, donner des droits à la femme, donner des droits à la tante, donner des droits à la mère et à chaque femme tout au long de sa vie. Puis après cela, on dit que l'islam n'honore pas la femme. Donc, il a dit Aïcha. Et de cela, on voit là qu'il n'y a pas de mal à mentionner le prénom de la fille, le prénom de l'épouse, lorsqu'il y a une sagesse. Naam, lorsqu'il y a une sagesse. Dans le cas contraire, naam, dans le cas contraire, on voit que le prophète sallam ne faisait pas cela, on voit que le sahaba ne faisait pas cela. Également, on rajoute que ce sont les mères des croyants et qu'on ne peut les épouser. Même après le décès du prophète alayhi salatu wa salam, ce sont les mères des hommes parmi les musulmans. Wa azwaju ummahatuhum. Allah dit dans sourate Al-Ahzab, et ses épouses, les épouses du prophète sallam, sont leur mère, c'est-à-dire la mère des croyants parmi les musulmans. Puis, il lui a dit après elle, ou bien il lui a dit parmi les hommes. Il y a la question, parmi les hommes. Et il lui a dit son père, ou bien il a dit Abu Bakr. Et ici, on voit le grand mérite de Abu Bakr et le grand mérite de Aïcha de cette famille en islam. La famille dans laquelle tout le monde est entré en islam. Du grand-père aux petits-enfants. Tout cela était musulman. Naam. C'est une des rares familles, si ce n'est la seule, où on trouve ça. Du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Toute la famille. du grand-père Abu Quhafa, Uthman, radiallahu an, aux petits-enfants du prophète, alayhi salatu, de Abu Bakr, radiallahu an, yani du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu Abdullah, Ibn Zubayr, par exemple. Et c'est devenu un grand homme de l'islam. Et il est à la tête de Mecca, après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, au temps des jeunes compagnons. À la kulli hal, dans l'action ici de Amr ibn al-As, on voit la permission de l'ijtihad, de faire un effort d'interprétation, de réflexion, en recherchant les preuves, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et ensuite, il revenait au prophète, alayhi salatu wassalam, qui disait si c'était bon ou si c'était une erreur. Car les sahaba ne sont pas infaillibles comme les prophètes, alayhi salatu wassalam, mais ils sont sujets à la faute. Ils peuvent faire un effort de réflexion et se tromper. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que la personne de science, si elle fait un effort de réflexion et elle se trompe, elle a une récompense. Et sa faute est effacée. Et si elle tombe juste, alors elle a deux récompenses. Voici ce qui s'est passé et voici les réponses de Amr ibn al-As au prophète alayhi salatu wassalam. Puis il a questionné sur la personne qu'il aimait le plus. Ici, il y a la grande place de Aïcha radiallahu anha parmi les femmes de la communauté, parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a la place de son père Abu Bakr, qui est le meilleur de la communauté, le meilleur des compagnons de l'ensemble des messagers. C'est-à-dire qu'après les prophètes, c'est le meilleur homme. Il n'y a personne qui soit meilleur que Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a dépassé tous les compagnons, et pas que d'un petit peu, comme Omar ibn Khattab lui-même le disait. Et un jour, le prophète, dans sa maladie de mort, alors qu'il ne pouvait plus se rendre au masjid, il a ordonné qu'on fasse la salat. Naam. Et lorsque ça n'a pas été Abu Bakr qui a fait l'imam, le prophète s'est mis en colère. Et personne n'acceptait par la suite de passer devant Abu Bakr. Personne. Et lorsque Aïcha a insisté sur le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire que son père était un homme très sensible et lorsqu'il récite le Coran, il pleure trop, on n'entend même pas ce qu'il récite. Elle lui a dit, mets Omar à sa place. Puis le Khosem s'est énervé. Et il lui a dit, vous êtes semblable à celles qui ont été éprises de Youssouf. Naam. Mettez Abu Bakr. Puis c'est Abu Bakr qui a présidé la salat. Donc Abu Bakr avait une place toute particulière. Et lors du décès du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr a dit, décidez qui sera le calife après le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il voulait que ce soit Omar ibn al-Khattab. Amr ibn Khattab a dit, qui est-ce qui pourrait accepter de se mettre devant Abu Bakr, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a choisi pour présider la salat, ou bien le prophète alayhi salatu wassalam l'a choisi pour présider la salat dans sa maladie de mort. Et qui est-ce qui pourrait se mettre devant lui, alors qu'Allah l'a mentionné dans le Coran, idh huma fil ghar, lorsque les deux étaient dans la grotte, c'est qui? C'est Abu Bakr et le prophète sallam. Qui va s'avancer devant lui? Puis il lui a dit, donne ta main, et il lui a prêté allégeance, et les muhajiroun, et les ansar, et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu également, contrairement à ce que disent Rafida al-Dullal, A'da'u al-Sahabati wal-Mu'minin, tout cela, tous Sahaba ont agréé Abu Bakr. Et il y a le consensus des Sahaba que c'est le meilleur de la communauté. C'est le meilleur de la communauté. Et c'est le premier calife de l'islam. Et c'est le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est le meilleur de la communauté. Personne n'est au-dessus d'Abu Bakr. Personne n'est meilleur qu'Abu Bakr radiallahu anhu. On voit ici dans ce hadith la place de Omar ibn al-Khattab, que c'est le deuxième homme que le prophète alayhi salatu wassalam aimait le plus. Et il a longuement fait ses éloges comme on le sait. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, inshallah après, il ne reste pas beaucoup de la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, si Allah nous facilite, on étudiera encore un petit peu l'histoire, inshallah ta'ala, l'époque de Abu Bakr, puis l'époque de Omar, wa hakadha. On demande à Allah azza wa jalla l'aide et l'assistance pour cela. Parmi les événements qui ont eu lieu dans Sariyatu Dhatis Salasil, c'est que, comme on a mentionné, Amr ibn al-As, lorsqu'il passait près des différentes tribus arabes, il les appelait à se joindre à eux. Il les appelait à se joindre au groupe des croyants. Et beaucoup les assistaient et rentraient avec eux. Il y a un homme qui a rejoint, il faisait partie d'une des tribus arabes, il a rejoint ce groupe. Il se nomme Rafi' ibn Abi Rafi'. Il se nomme Rafi' ibn Abi Rafi' al-Ta'i radiallahu anhu. Lui fait partie de ceux qui sont entrés avec sa tribu pour suivre Amr ibn al-As et les croyants. Lorsque Amr ibn al-As appelait donc les différentes tribus à se joindre à leur nombre. Ce sahabi, Rafi' ibn Abi Rafi' dit, je me suis dit en moi-même, je vais trouver une bonne fréquentation parmi sahaba. J'ai oublié, est-ce que c'est un sahabi? Est-ce qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam? Naam. Ou bien, est-ce que c'est un croyant qui ne l'a pas vu? Naam. Comment est-ce qu'on appelle ceux qui n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant, mais qui sont entrés en islam de son vivant? Avant ça, comment est-ce qu'on appelle ceux qui sont venus en islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Naam. Ceux qui sont venus en islam après la mort du prophète sallam. J'ai commencé par une question que j'ai jugée difficile. Donc j'ai cité la deuxième pour revenir sur la première. Naam. C'est un tabi'i. Naam, tout simplement, c'est un tabi'i. Naam, les croyants qui sont venus après l'époque de sahaba sont un tabi'oun. Et ceux qui sont venus après eux, atba'u tabi'in, n'est-ce pas? Ces trois générations sont les meilleures des générations. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait leurs éloges en disant que les meilleurs des gens, ce sont les gens de mon époque. C'est-à-dire, as-sahaba, puis ceux qui viendront après, c'est-à-dire, at-tabi'un, puis ceux qui viendront après, c'est-à-dire, at-ba'u tabi'in. Ces trois sont les meilleures générations. Taïb. As-sahabi, la définition d'un sahabi est من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Ça c'est la définition d'un sahabi. Celui qui a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم en étant croyant, il a cru en lui lorsqu'il l'a rencontré. Par contre, s'il n'entre pas en islam, puis le prophète alayhi salatu wassalam meurt, et que lui par la suite il entre en islam, on ne dit pas que c'est un sahabi. Même s'il l'a rencontré de son vivant. Est-ce que c'est compris? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Et il est mort sur cela. Ça exclut qui? Ceux qui ont cru en lui, mais ensuite sont sortis de l'islam. Sans se repentir et sans revenir en islam. Ces gens-là ne sont pas sahaba. Ils n'entrent pas dans le nombre de sahaba. Une minorité, après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, sont sortis de l'islam. Ces gens-là ne sont pas madha, n'ont pas l'honorabilité. Ils n'ont pas le titre honorifique de sahabi. Il y a une catégorie chez les savants qui sont ceux qui ont cru au prophète alayhi salatu wassalam de son vivant, mais ils n'ont pas eu l'honneur de le rencontrer. Naam, comment on les appelle? Al-Mukhadram. On dit de lui que c'est un Mukhadram dans la science du hadith. C'est un Mukhadram. Tayyib. Ala kulli hal, Rafi' ibn Abi Rafi' a dit, yani, j'espère que je vais avoir une bonne compagnie. Yani, il voit les sahaba, il marche, il y a sahaba. Il dit, je vais chercher une bonne compagnie, comme ça je vais apprendre de lui. Je vais me mettre à son service et je vais profiter de sa science. Je vais profiter de son comportement. Regardez leur adab, leur akhlaq et leur tawadu. Comment est-ce qu'ils étaient humbles? Et qui est-ce qu'il est parti fréquenter ce noble? Yani sahabi ou tabi'i? Tayyib. Ou bien Mukhadram. Il est parti accompagner Abu Bakr al-Siddiq. Naam. Wa ni'ma sahib. Who? Et quelle bonne compagnie, quel bon compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Le meilleur ami de Omar. Et avant ça, le meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam. Tayyib. Il est resté avec lui, il l'a accompagné, il s'est mis à son service, il a profité de lui, mais malgré ça, son but premier, ou un de ses buts, c'était de profiter de lui. Mais il ne lui a pas posé beaucoup de questions. Il ne lui a pas posé beaucoup de questions. Par la suite, il lui a dit, « Ya Abu Bakr, oh Abu Bakr, comme tu vois, allez, je t'ai accompagné, j'ai un droit sur toi. Et comme tu vois, je ne t'ai pas posé beaucoup de questions. » Et je n'ai pas la capacité de me rendre quand je veux à Médine. Je n'ai pas la capacité de me rendre quand je veux à Médine. Quand est-ce qu'il lui a dit ça? Après la bataille. Lorsqu'ils ont remporté le combat. Alors il lui a dit, je suis ton compagnon, j'ai un droit sur toi, je t'ai rien demandé. Naam, je t'ai questionné, je ne t'ai pas questionné. Donc j'ai voulu que tu m'enseignes. Il lui demande une nasiha. Lui, j'ai voulu que tu m'enseignes une chose. يعني أردت أن تعلمني شيئا ينفع الله بي أو ينفعني الله بي. J'ai voulu te questionner sur une chose par laquelle Allah me fera profiter. Alors Abu Bakr radiallahu anhu lui a fait des recommandations. Il lui a dit اعبد الله ولا تشرك به شيئا. Adore Allah sans jamais rien lui associer. وأعطي الزكاة المفروضة وصلي الصلوات المكتوبة وأعطي الزكاة المفروضة. Prie les prières obligatoires. Acquitte-toi de la zakat obligatoire. Puis il lui a dit ولا تأمرن على رجلين. Et n'accepte jamais d'être le dirigeant, même pour deux hommes. N'accepte pas d'être à la tête, le gouverneur, le responsable, le chef. Accepte pas, même si c'est pour deux hommes. Puis il lui a fait peur de l'injustice. Puis il lui a fait peur de l'injustice en lui mentionnant des choses. Yani la dangerosité, l'injustice et ainsi de suite. Par la suite, Sahaba sont repartis à Médina et chacun est rentré dans sa tribu, n'est-ce pas? Et lui, pareillement, il est rentré dans sa tribu. Entre-temps, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé par la suite. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Et Rafi' ibn Abi Rafi' a voyagé vers Al-Madinah. Il a voyagé à Médine. Qu'est-ce qu'il a trouvé arrivé à Médine? Il a trouvé qui comme gouverneur? Il a trouvé Abu Bakr. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il lui avait recommandé? De ne pas accepter d'être le chef. Même si c'est pour deux hommes. Il arrive à Al-Madinah, il apprend que Abu Bakr s'est devenu Khalifatu Rasulillah. Naam, le successeur en tant que responsable chez les croyants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens sont partis, il a attrapé Abu Bakr. Et il lui a dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Je suis ton compagnon. Il lui a dit, oui, je me rappelle de toi. Puis il lui a dit, comment se fait-il que tu m'as fait cette recommandation et que je te vois maintenant Khalifatul Muslimin? Et je te vois désormais être le responsable des croyants. Alors que moi, tu m'as dit de ne pas être le responsable ne serait-ce que de deux hommes. Alors Abu Bakr radiallahu anhu lui a mentionné ses excuses. Et il lui a dit qu'il n'a pas recherché cela. Mais ce sont ses compagnons qui l'ont poussé dans cela. Ce sont ses compagnons qui l'ont poussé dans ça. Également, il a eu peur que les gens sortent du din. Naam, il a eu peur que les gens sortent du din, donc il a accepté rapidement. Naam, et il lui a cité plusieurs excuses jusqu'à ce que Rafi' ibn Abi Rafi' a accepté de la part de Abu Bakr ses excuses. Ceci est mentionné par Abu Daoud et l'Imam Ahmed dans leur recueil et d'autres encore. Puis les historiens mentionnent la Sariya de Abi Hadrad, Il al-Rabah. il a le rabat. Si ce n'est que les savants nous disent que Mada, ça n'est pas authentique. C'est-à-dire, la chaîne de transmission de ceux qui nous ont rapporté cela ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on entre désormais dans un des moments les plus historiques, non pas que de la sira du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais mondialement parlant, depuis que Allah subhanahu wa ta'ala na'am, a fait s'élever sa maison à Mecca. Un des moments les plus historiques depuis la construction de Ibrahim alayhi salam, aidé par son fils Ismaïl alayhi salam, pour construire et élever Al-Kaaba à Mecca. Na'am, vous savez tous, rahimanillah wa iyyakum, que Ibrahim alayhi salam avait une épouse qui s'appelle Sarah, et que peu parmi les gens de son peuple l'ont suivi dans son dîne, parmi eux, Lot, qui était son neveu, Sarah qui était son épouse. Naam. Et Ibrahim alayhi salam, yani, n'avait pas d'enfant avec Sarah. Par la suite, Sarah lui a donné sa servante Hajar. En espérant qu'Ibrahim alayhi salam ait une descendance. Et il avait atteint un âge avancé, certains disent 80 années de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-wahhab, c'est le grand donateur. Et il donne à qui il veut, quand il le veut, même lorsque les causes apparentes ne sont plus présentes. Na'am, même quand les causes apparentes ne sont plus présentes. Allah azza wa jalla a donné à Hajar, donc un enfant d'Ibrahim alayhi salam, qui est qui? Ismaïl alayhi salam, et lui-même il en fera un prophète alayhi salam. Sarah, comme toute femme, a été touchée par cela et est tombée dans la jalousie que toute femme a en elle. Alors Ibrahim alayhi salam est parti avec Hajar et son fils Ismaïl à Mecca sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous l'ordre d'Allah azza wa jalla. Mecca à l'époque, c'était une terre où il n'y avait rien, comme Allah nous décrit dans sourate Ibrahim, comme vous l'avez entendu dans la prière du Maghrib. Fi ardin ghayri zi zar' 'inda baytika al-muharram. Une terre où il n'y avait aucune culture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de point d'eau. Na'am, il n'y avait rien à Mecca à l'époque, bien sûr. Ibrahim alayhi salam a déposé Hajar avec son nouveau-né Ismaïl. Et avec eux, quelques provisions, une outre d'eau, quelques dates, yani le minimum. Puis Ibrahim est parti encore sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est un prophète, il reçoit les ordres, il se soumet à Allah Azza wa Jal. En partant, Hajar l'a appelé et lui a dit, « Il amène ta troukouna ya Ibrahim. À qui est-ce que tu nous laisses ici? Il n'y a personne, Ibrahim. » Il n'a pas répondu. Puis elle l'a appelé une deuxième fois, puis une troisième fois, puis elle lui a dit, « Allahu amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il lui a dit, « Oui. » Elle lui a dit, « Idan len yudayyan Allah. » Alors jamais Allah ne nous abandonnera. Allahu Akbar. Ça c'est la kalima d'une mar'a mutawakkilatun ala Allah. Ça c'est une femme qui a abandonné son affaire entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a eu la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, d'au-dessus de cette chose, au-dessus de son arche, il allait accorder sa subsistance à elle et ainsi qu'à son nouveau-né. Mais Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs lorsqu'il les aime. Alors Ibrahim alayhi salam est parti. Hajar, elle allaitait son enfant. Et pour que le lait sorte, il faut qu'elle-même soit abreuvée, elle-même se nourrisse. Mais elle n'avait plus de lait par la suite, elle n'avait plus de provisions. Alors elle a posé son enfant. Elle a avancé au mont le plus proche. Elle a vu que c'était As-Safa. Alors elle est montée pour chercher de l'aide. Puis elle a regardé au loin. Elle a vu l'autre mont le plus proche, c'était Al-Marwa. Alors elle est descendue. Arrivée fi batn al-wadi, à la partie plate de la vallée, une vallée étant ce qui se trouve entre deux monts, elle a accéléré le pas, ou elle a couru. Puis elle a remarché, et elle est montée sur Al-Marwa. Elle a cherché de l'aide, elle ne l'a pas trouvée. Elle a fait cela 7 fois. C'est-à-dire qu'elle a fait 7 allées en tout. Au 7e allée, vu qu'elle a commencé par As-Safa, elle s'est retrouvée où? Al-Marwa. Au 7e allée, elle a entendu un bruit. Elle a dit Sah. Yani Sah, c'est une parole qui est mentionnée chez les Arabes pour dire silence ou bien tais-toi. Yani comme si elle se dit à elle-même, observe le silence pour écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Puis elle a dit, s'il y a quelqu'un, yani venez-moi en aide. C'est alors qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril alayhi salam, Naam, qui a mis un coup sur la terre et l'eau la plus célèbre et la plus bénie au monde a jailli. Laquelle? Ma'u Zamzam. L'eau de Zamzam a jailli. Qu'est-ce qu'a fait Hajar radiallahu anha? Elle a fait comme cela. Yani elle a essayé de de contenir l'eau pour pas que l'eau s'éparpille. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Rahimallah Umma Ismail, qu'Allah ait pitié de la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé l'eau, au jour d'aujourd'hui, ça serait un fleuve. L'eau de Zamzam. Nastami' ala al-adhan. Naam. Avant de poursuivre, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Amr ibn al-As, Naam, lui avait des origines de Bali, c'est sa grand-mère paternelle qui avait ces origines-là. Sa grand-mère paternelle était de la tribu de Bali. Barakallahu fikum. J'avais dit maternelle, c'est paternelle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Jibril alayhi salam qui d'un coup, au sol, fit jaillir par la grâce d'Allah azza wa jal l'eau de Zamzam. Puis, il y a eu la tribu de Jurhum. La tribu de Jurhum qui s'est approchée de ce coin d'eau. Puis ils ont demandé à Hajar, radiallahu anha, est-ce qu'ils pouvaient utiliser l'eau? Yani, ils sont une tribu, ils sont des, il y a des hommes, ainsi de suite. Elle est seule avec son enfant. Malgré ça, ils avaient le respect de la femme. Ils lui ont donc demandé la permission. Elle leur a dit oui, vous pouvez l'utiliser, mais vous n'avez pas de droit sur cette eau. Yani, c'est une permission, mais ça ne vous revient pas de droit par la suite. وَكَانَتْ تُحِبُّ الْأُنْسِ. Elle aimait la compagnie Hajar. Alors elle est restée avec cette tribu. Plus tard, son enfant Ismaïl a grandi et c'est devenu le meilleur de ces jeunes-là. Alors, ils l'ont marié à une de leurs filles. Plus tard, Ibrahim a.s. est venu le visiter et ne l'a pas trouvé chez lui. Son épouse a répondu à ses questions d'une manière qui montre qu'elle n'avait pas la reconnaissance qui se devait de l'épouse envers le mari et devant la grande mission qui attendait Ismaïl. Alors, Ibrahim a dit à cette femme, lorsque ton époux rentre, dis-lui que je le salue, dis-lui qu'il change le pas de sa porte. D'accord? C'est-à-dire divorce-la. Mais elle n'avait pas compris ces termes. Lorsqu'il est rentré, elle lui a raconté, un homme âgé est venu, il m'a dit de te dire, change le pas de ta porte. Alors il l'a divorcé, il lui a dit, rentre chez ta femme. Par la suite, il s'est remarié avec une femme noble et pieuse. Et plus, pareillement, Ibrahim est venu le visiter, ne l'a pas trouvé. Et il lui a demandé, comment est-ce que vous vivez? Elle a remercié Allah. Elle a remercié Allah. Il lui a dit, lorsque ton époux entre, dis-lui de maintenir le pas de sa porte. C'est-à-dire, garde-la en tant qu'épouse, c'est une femme bien. Naam. Donc, elle lui a transmis cela, elle lui a dit, c'était mon père. Par la suite, ils se sont rencontrés, il s'est passé entre les deux ce qui se passe lorsque le père rencontre son enfant. Et il lui a dit, oh mon fils, Allah m'a chargé d'une grande mission, laquelle je dois lui construire ici une demeure. Il lui a dit, fais donc ce que ton Seigneur t'a ordonné. Il lui a dit, et tu m'aideras? Il lui a dit, oui. Alors, ils ont récolté, ils ont réuni des pierres et ils ont construit la Kaaba. Ibrahim, c'est lui qui construisait la Kaaba, et Ismaïl, c'est lui qui les lui donnait. Il lui donnait les pierres. Arrivé à un certain niveau, ils ont pris ce qu'on voit, Maqam Ibrahim, comme une chose pour s'appuyer dessus et prendre de la hauteur. Ils ont fini la Kaaba. Les Arabes étaient donc sur la voie d'Ibrahim al-Hanifiyya. C'est-à-dire, l'islam, le tawhid, ils adoraient Allah seul, sans associé. Plus tard, il y a un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Et c'était un noble chez Quraysh et un chef. Il était écouté et obéi. Il a voyagé vers Hacham. Hacham, au Cham, il a vu des idoles. Et il a vu les gens adorer les idoles. cette chose-là, la ftane, elle est rentrée dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des idoles. Le shaitan lui a conseillé de prendre de ces idoles des ramna Mecca et d'inviter les gens de Mecca à l'adoration des idoles. Et c'est le premier qui a changé la religion des Arabes. Sinon, avant ça, ils étaient sur le tawhid. Ils étaient sur la voie de leur ancêtre, Ibrahim alayhi salam, le père d'Ismaïl. Car les Arabes remontent à Ismaïl alayhi salam. Et c'est là qu'ils ont adoré les idoles. Al-Lat, Al-Uzza, Mana, Hubal et beaucoup d'autres. À un point tel qu'il y avait plus de 360 idoles autour de la Kaaba. Wal-iyadu billah. Wal-iyadu billah. On arrive donc au mois de Ramadan de cette année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ouvrir la Mecque et faire redevenir Mecca ce qu'elle était à l'époque d'Ibrahim, une demeure de tawhid. Une demeure de tawhid. Et voici le chapitre voici le chapitre qu'on étudiera, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Fathu, Razwatu Fathi Mecca. Naam, l'ouverture de Mecca. Juste pour introduction, la cause de Razwatu Fathi Mecca, c'est que à Sulh al-Hudaybiyya, si vous vous souvenez, parmi les points du pacte, c'est que chaque tribu décide sous la tutelle de qui elle va entrer. Soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit Quraysh. Alors, Khuza'a a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains étaient croyants, certains n'étaient pas croyants. Ils ont dit, nous, on rentre dans le pacte de Muhammad wa Ahdi. Banu Bakr, une autre tribu, a choisi Quraysh. Ils ont dit, on rentre dans le pacte et dans l'Ahd de Quraysh. Donc ils n'ont pas le droit de toucher à Khuza'a, ils sont avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé? Une nuit, Banu Bakr a fait yani, une traîtrise à Khuza'a auprès d'un puits. De nuit, ils ont pris les armes et ils les ont attaqués en traître. Que s'est-il passé? Quraysh s'est dit, Mohammed est loin, il est à Médine, elle ne va pas savoir ce qui se passe. Ils ont donné des armes à Bani Bakr pour les aider contre Khuza'a. Ils sont venus, ils les ont assassinés, ils les ont agressés. Naam. Et dans le pacte, si tu fais cela, le pacte il tombe. Donc il n'y a plus le sulh, khalas. Il n'y a plus le pacte entre Quraysh et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme parmi Khuza'a est parti à Medina et il a raconté ce qui s'est passé au prophète alayhi salat wa salam. Et il a dit au prophète alayhi salat wa salam que Bani Bakr leur sont tombés dessus, alors qu'il y avait parmi nous des gens inclinés, prosternés, ils nous ont fait. Le prophète sallam s'est mis en colère, et il a levé l'armée de Mecca. Et ce fut la plus grande armée, ils étaient 10 000 hommes. Ils étaient 10 000. Donc la cause de l'ouverture de Mecca, c'est la traîtrise qu'il y a eu lieu, et le fait de ne pas respecter le pacte qu'il y avait entre Quraysh et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Banu Bakr a attaqué Khuza'a et Quraysh a donné des armes en cachette à Bani Bakr. Voici la cause de l'ouverture, ou bien de la bataille, de l'ouverture de Mecca. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on étudiera entièrement ce qui s'est passé. Wa sallallahumma barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك